kristoni lokola vage pale simbangai no kiki na kokwea pasangai no kiki na kokaja oligo idangwe chegiye nadia e o mangalela loli mama tongwe tano inanga bolimwe kasi bololo nadie Yeah.